ويقول العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: فتعدد الزوجات فيه مصالح جمة وكثيرة، ولكن بعض الناس يجبن عن ذلك إما لقلة ماله، وإما خوفا من زوجته وسلاطة لسانها وشرها، وإما لأسباب أخرى. الإمينون سافون الشيخ عبد العزيز ابن باز a dit: la polygamie contient d'énormes intérêts et d'énormes bienfaits, mais la plupart des hommes perdent courage devant une telle chose, soit à cause du manque de moyens, ou soit par crainte de sa première épouse et de ses mauvaises paroles, ou pour une autre raison. فإذا استطاع ذلك وتيسر له ذلك حتى يحسن في المسلمين حتى يعرف فتيات كثيرة فهذا خير والحمد لله. Et donc il continue de dire, c'est-à-dire le cheikh Abdelaziz ibn Baz, il dit: mais si, c'est-à-dire l'homme, il peut accomplir cela, et si cela lui est facilité, afin que se répande cela, c'est-à-dire la polygamie, au milieu des musulmines, afin que préserve leur chasteté énormément de jeunes filles, et ceci est un bien, walhamdulillah. وقال رحمه الله: والتعدد وإن أباه النساء أو الأكثر منهن فليس العبرة بإبائهن وكراهتهن فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويرغبن فيما يضرهن. Et il a dit aussi, c'est-à-dire Cheikh Ibn Baz, la polygamie, même si les femmes la refutent, ou la grande majorité des femmes, ce qui est considéré n'est pas leur refus ou leur mépris. En effet, elles peuvent rejeter ce qui va dans leur intérêt et espérer dans ce qui leur fait du tort. فَرَفْضُهُنْ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى كَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَأَوْلَادِ الزِّنَا وَهَلْ يَرْضَى مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بِذَلِكَ لَا يَرْضَى مُسْلِمٌ بِذَلِكَ. Et donc ensuite il dit, et le refus, c'est-à-dire leur refus de la polygamie, amène une propagation de la perversion et des enfants issus de l'adultère. Et est-ce qu'agrée cela un musulman raisonnable? Bien au contraire, il n'agrée pas cela. فتزويج الفتيات لمن معه زوجة أو زوجة ثانية أو ثالثة خير من بقائها عانسة في البيت. فربع الرجل أو نصف الرجل أو ثلث الرجل خير لها من بقائها بدون شيء. Et ensuite il dit, et le fait de marier les jeunes filles à un homme marié avec une ou deux ou trois épouses est meilleur pour elle qu'elle reste dans sa maison comme une vieille fille. Et le quart d'un homme, ou la moitié, ou le tiers, est meilleur pour elle que de rester sans rien. فكونه يأخذ الثنتين أو الثلاث أو الأربع وينظر ويتأمل ما تقتضي المصلحة فيتزوج ما طاب له من ذلك بميزان الشرع مع التحري والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Et ensuite il dit, et le fait qu'il prenne une deuxième ou une troisième ou une quatrième tout en réfléchissant à ce qui va dans ses intérêts, et donc il se marie avec celle qui lui plaît tout en ayant comme balance ou critère ce qui est en accord avec la législation et en ayant une attention particulière pour choisir la femme pieuse, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: la femme est mariée pour quatre choses: pour son argent, pour sa beauté, pour son noble rang, pour sa religion. Ensuite il dit: choisis donc la femme de religion. وهكذا الفتيات وأولياؤهن يلتمسون الصالحين من الرجال فلا يزوجوهن من كل هب ودب من الكفرة وتارك الصلاة من أصحاب الخمور والسكارين الذين يضرون زوجاتهم ولا ينفعونهن. Et ceci est valable pour les jeunes femmes et leurs tuteurs. À eux de rechercher des hommes pieux et de ne pas marier leurs filles à tout passant, parmi les mécréants et ceux qui délaissent la prière, ou les buveurs d'alcool, les alcooliques, qui font du tort à leurs épouses et ne leur sont d'aucune utilité. وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ وَأُولِيَائِهَا أَلَّا يَكُونَ هَمُّهُمْ أَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ ذُو وَظِيفَةٍ أَوْ أَنَّهُ تَاجِرٌ أَوْ أَنَّهُ مَا عِنْدَهُ زَوْجَةٌ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمِيزَانُ. Et ensuite il dit, Cheikh Ibn Baz, qu'il est impératif pour la femme ainsi que pour ses tuteurs que leur souci ne soit pas fixé sur le fait que c'est un tel fils d'un tel, ou qu'il a un bon emploi, ou qu'il a un commerce, ou qu'il n'a pas d'épouse. Ceci n'est pas en soi des critères, c'est-à-dire pour le mariage. Al-mizan an yakhtar ar-rajula as-salih hatta walau kana faqiran sawfa yughnihi Allah min fadlihi kama qala ta'ala wa ankihu al-ayma الأيام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكذلك في حديث صحيح: ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم متزوج يريد العفاف. Le véritable critère est de choisir l'homme pieux, si celui-ci, même si celui-ci est pauvre, car il se peut qu'Allah l'enrichit de son bienfait. Comme il est cité dans le Coran, selon la traduction approximative, Allah dit « Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vous, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, c'est-à-dire pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est certes immense et omniscient. » Et aussi dans le hadith, trois catégories de personnes, Allah s'est imposé de les secourir ou de les aider, et parmi eux, celui qui se marie pour préserver sa chasteté. فالمتزوج للعفاف يعينه الله ولو استدان ولو اقترض ولو اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها وتزوج سوف يعينه الله وسوف يقضي عنه. Donc celui qui se marie pour préserver sa chasteté, Allah l'aidera, même s'il s'endette ou emprunte pour cela. Allah l'aidera certes à s'acquitter de ses dettes. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. Et aussi comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم dans un hadith, celui qui prend l'argent d'autrui en ayant la volonté de lui rendre, Allah lui facilitera l'acquittement de cela. وقالت المدرسة الفاضلة أم داود بنت محمد الحجورية وهي زوجة شيخنا أبي عمرو الحجوري حفظه الله في كتاب لها في هذا الموضع. Et voici une parole de l'enseignante de mérite qui s'appelle Umm Daoud, qui est l'une des épouses de notre noble cheikh Abu Amr al-Hajuri hafizahu Allah, qui a dit dans un de ses livres traitant sur le sujet, c'est-à-dire sur la polygamie, elle dit فإنني أنصحك أيها الفتاة الواعية فإن العجب والغرور لا يرفعك عند ربك درجة واحدة ولا منزلة. Et elle dit: je te conseille, ô toi, la jeune femme consciente, certes, l'émerveillement et la vanité ne t'élèveront pas auprès de ton Seigneur d'un degré. انظري بعين البصيرة إلى واقع الحياة فإن الحياة لا تكون للإنسان على ما يريد. Et observe donc avec clairvoyance le constat de la vie. Tu constateras qu'elle ne suit pas toujours les volontés de l'être humain. فإذا تقدم لخطبتك من ترضين خلقه ودينه فاقبلي ولا تفكري فيما عدا ذلك من المعايير الدنيوية التي استحدثت. Et si يعني tu as une demande en mariage d'un homme dont tu agrées le comportement et la religion, accepte. Ne réfléchis pas à autre chose comme les lois ou les normes récemment apparues sur lesquelles Allah n'a pas fait descendre de preuves les appuyant. Puis soumets-toi donc au commandement de ton Seigneur et réponds lui favorablement. وقالت والنساء يعترضن على التعدد ويرين فيه تعديا على حقوقهن والتعدد ذاته أمر أباحه الله. Et ensuite elle dit: puis les femmes s'opposent à la polygamie. Elles voient étant cela une transgression dans leurs droits, alors que la polygamie est une chose qu'Allah a permis. ومن النساء من تستدل بغيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Et parmi les femmes, il y en a qui prennent en guise de preuve ou d'appui à leur opposition à la polygamie le fait que les épouses du prophète عليه الصلاة والسلام étaient jalouses. ومعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترضن على النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من أحد ولم تكن غيرتهن تتعدى الحق بل إن أم حبيبة قد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بأختها. Alors que il est bien connu que les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام ne se sont jamais opposées à un seul des mariages du prophète عليه الصلاة والسلام, et que leur jalousie ne les a jamais poussées à réfuter la vérité, bien au contraire. Umm Habiba, qui est l'une des épouses du prophète عليه الصلاة والسلام, lui proposa même de se marier avec sa sœur. فلتتق الله عز وجل المرأة ولا تساهم في الشر ولتكن على بصيرة من دينها فكم من امرأة سعت في إفشال زواج زوجها وهي لا تعلم أن في ذلك خيرا أو شرا لها ولزوجها. Donc que la femme craigne Allah, ça c'est toujours les paroles de cette enseignante de mérite. Donc que la femme craigne Allah et qu'elle ne contribue pas au mal et qu'elle soit sur une clairvoyance dans le domaine de sa religion. Combien de femmes se sont précipitées à causer l'abandon du mariage de son mari avec une autre, alors qu'elle ne sait même pas elle-même que ceci est un bien ou un mal pour elle ou pour son mari. Wallahu yaqul wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est meilleur pour vous. Wa at-ta'addud min ahkam al-islam فكسائر الأحكام يحتاج إلى علم. فهذه مسائل في هذا الباب. La polygamie fait partie des règles de l'islam. Et comme chaque règle, on a besoin de science pour la mettre en pratique. فهذه مسائل في هذا الباب. Et donc ceci, c'est quelques points sur ce sujet. مسألة الأولى أنه يحرم أن يتزوج بأكثر من أربع. Le premier point, c'est qu'il est interdit à la personne de se marier à plus de quatre femmes. Et en cela, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent cela. ومنها حديث ابن عمر أن غليان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا رواه أحمد وصححه الشيخ مقبل في الجامع. Donc, et parmi les preuves qu'il est interdit de se marier à plus de quatre, le hadith d'Ibn Omar qu'a rapporté Ahmed, lorsque Ghulian ibn Salama est venu se présenter au prophète et qu'en s'étant converti, alors qu'il avait auprès de lui 10 femmes, 10 épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda d'en choisir 4 parmi elles. Mas'alatun thaniya, le deuxième point, annahu yaj'al li kulli zawja baytan mustaqillan kama fa'ala dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li azwajihi. Et le deuxième point, c'est qu'il accorde à chacune de ses épouses une demeure séparée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour ses épouses. قال الله إن الذين ينادوك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, dans le sens approximatif du verset, ceux qui t'appellent en dehors des appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. والحجرات هنا بيوت نسائه. Et le but visé par les appartements dans ce verset, c'est les maisons de ses épouses. مسألة ثالثة. Et le troisième point, ما يفعل الزوج صبيحة عرسه. Qu'est-il recommandé au mari de faire le lendemain de sa lune de miel? رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن. Donc l'imam al-Bukhari l'a rapporté d'un hadith venant de Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a célébré son mariage avec Zainab et a rassasié les gens de pain et de viande. Ensuite il est rentré dans les appartements de ses épouses comme il avait l'habitude de le faire le lendemain de sa lune de miel. Il leur passait le salam et invoquait pour elles, et elles aussi lui passer le salam et invoquer pour lui. مسألة رابعة. Et le quatrième point, قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقاب الزفاف. Et troisième point, quel est le temps accordé à la femme vierge et à la non vierge après la célébration du mariage. رواه البخاري من حديث أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا وقسم. البخاري rapporte une parole de Anas qui dit que fait partie de la sunna que l'homme, s'il se marie avec une femme vierge, il doit rester chez elle 7 jours et ensuite il partage entre elle et son autre épouse ou ses autres épouses. Mais s'il se marie avec une femme qui a déjà été mariée, il doit rester chez elle, c'est-à-dire après la célébration du mariage, il doit rester chez elle 3 jours, et ensuite, il partage entre ses épouses. مسألة خامسة وجوب التسوية بين الزوجات في القسم. Le cinquième point, le fait qu'il est obligatoire d'être juste envers chacune des épouses dans le partage. ولأدلة كثيرة منها قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. Et il y a en cela beaucoup de preuves, et parmi celles-ci la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans, selon le sens approximatif, et ne penchez pas vers l'une d'entre elles afin que vous laissiez l'autre comme يعني معلقة attachée. ومسألة الثالثة يقسم لكل امرأة يوما وليلة. Et l'homme il lui est recommandé de partager pour chacune de ses épouses un jour et une nuit. وقال القرطبي في تفسيره على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليلة وهذا قول عامة العلماء. Et donc Al-Qurtubi l'a dit dans son tafsir qu'il est impératif à l'homme qu'il fasse preuve d'équité entre ses épouses et qu'il partage pour chacune d'entre elles un jour et une nuit. Et ceci est la parole de l'ensemble des savants. ومن باب الفائدة القسم ليلة ليلة هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل القسم. كما ذكر شيخنا ابن حزام حفظه الله. Et من باب الفائدة, le partage une nuit une nuit est une sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, et c'est la meilleure des choses, comme a évoqué cela notre cheikh Mohammed ibn Hizam حفظه الله. مسألة سابعة, لا يجامع امرأة في وقت غيرها إلا بإذن صاحبة النوبة ورضاها. Et la septième, le septième point à savoir, c'est qu'il n'est pas permis à l'homme d'avoir un rapport avec son épouse, c'est-à-dire de copuler avec l'une de ses femmes, dans le temps de l'une d'entre elles, sauf s'il a son accord et son agrément. Et comme l'a dit Cheikh Jamil, hafidhahullah, celui yani, qui fait cela, c'est-à-dire qui a un rapport avec l'une de ses épouses, alors que ce n'est pas son temps, il commet un péché. Et il doit rattraper cela, c'est-à-dire aller vers celle qui a été opprimée, c'est-à-dire celle à qui on a pris de son temps, dans un temps où ce n'est pas son temps, et avoir un rapport avec elle. Donc il doit rattraper ce qu'il a fait. Mas'alatu tamaniya. Et le huitième des points. لا يجب على الرجل التسوية في الحب والجماع. ومن المعلوم أن عائشة كانت أحب النساء إليه. فلا يجب التسوية في الحب وكذلك في الجماع. وإنما يستحب ذلك. Et donc le huitième point, c'est qu'il n'est pas obligatoire à l'homme d'être équitable dans son amour pour l'une de ses épouses, envers chacune de ses épouses, et aussi dans le rapport. Et parmi les choses qui sont connues, que Aïcha était chez le prophète la femme la plus aimée. Fala yajib at-taswiya, l'équité dans l'amour pour une des épouses n'est pas obligatoire. Et aussi le rapport, le fait d'être équitable dans le rapport, ceci n'est pas obligatoire, bien que ceci est recommandé. Wa mas'alatu at-tasi'a, wujub al-musawa baynahun fi an-nafaqa. وهذا لأدلة المتقدمة. Et le neuvième point, c'est que il est obligatoire de partager dans la pension entre chacune des épouses. Et ceci avec les preuves qu'on a déjà passées. والمسألة العاشرة, يقسم للزوجة الكتابية كما يقسم للزوجة المسلمة. Il est impératif aussi à l'homme qui détient une femme qui fait partie des gens du livre, et une autre, qu'il soit juste aussi dans le partage des jours et de la pension. Et ceci, comme l'a rapporté Ibn Qudama, selon l'unanimité des savants. Et aussi, il doit être juste dans le partage des jours et de la pension, yani avec ses épouses, même celle qui est malade, ou celle qui a ses menstrues, ou celle qui a ses lochis, ou autre. Et ceci est l'avis de Malik wa Shafi'i. Mas'ala, yajouzu lil mar'a an tahiba haqqaha min al qasm li zawjiha ou li ba'di dara'iriha ou lahunna jami'an. Et aussi, parmi les points qu'il est important de savoir, c'est qu'il est permis à la femme de laisser son droit dans le partage des jours, soit pour son mari, soit pour ses coépouses, pour l'une de ses coépouses, ou soit pour toutes ses coépouses. Wala yajuz illa bi ridha az-zawj. Et elle ne peut pas laisser son droit seulement avec l'accord de son mari. Mas'alatun yastahabbu liz-zawj an wa kadhalika. Parmi les points qu'il est important de voir, c'est qu'il est recommandé pour le mari de visiter ses épouses en deux journées et dans un même jour. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, comme c'est venu dans un hadith de Aïcha, lorsqu'elle dit كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرِ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوا مِنْهُنَّ. Le hadith, comme c'est venu dans le hadith de Aïcha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait prié la salat du Asr, il passait visiter ses épouses. Ensuite, parmi les points aussi qu'il est important de connaître, إِذَا أَرَادَ السَّفَر, yani si la personne, l'homme, il a envie de voyager, ببعض نسائه أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معها. Il est impératif aussi de savoir que si la personne veut voyager avec l'une de ses épouses, il lui est obligatoire de tirer au sort, et celle qui a été tirée au sort sortira donc avec lui, et il n'aura pas de jour à rattraper lorsqu'il reviendra de son voyage. Et si jamais il voyage, c'est-à-dire avec l'une d'entre elles, sans avoir effectué le tirage au sort, il sera ainsi pécheur, c'est-à-dire il aura pris un péché, et lorsqu'il reviendra, il devra rattraper les jours manqués chez chacune des autres épouses, c'est-à-dire celles qui n'ont pas voyagé. Ala sahih. Wa hadha huwa qawl Ahmad wa Shafi'i. Et ça, c'est selon l'avis le plus authentique. Et parmi aussi les points qu'il est important de savoir, si l'homme possède deux femmes qui se trouvent dans deux pays différents, éloignés, alors là aussi, il lui est impératif d'effectuer un partage équitable entre elles. C'est-à-dire, il reste le même nombre de jours chez l'une que chez l'autre. Et enfin, parmi les points qu'il est important de connaître, le fait qu'il est impératif à l'homme de résoudre les problèmes et les disputes des co-épouses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si souvent fait, soit entre Aïcha et Zainab, ou autres parmi les mères des croyants. Donc, la personne, l'homme, il lui est impératif de bien surveiller les relations tant qu'on ses épouses entre elles, et il doit veiller à les réconcilier si toutefois elles se sont disputées. وهناك بعض الشبهات حول التعدد الزوجات. Et voici à présent quelques شبهات sur le ta'addud, sur la polygamie. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aliyan min tazwiji binti Abi Jahl ala Fatima. فقالوا فلنا أسوة إذن في منع التعدد. Donc la première des choubahs, c'est que certains prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Ali de se marier avec la fille de Abi Jahl sur Fatima. Et ils ont dit, donc on prend de cela qu'on peut interdire la polygamie. Wal jawab annahu qad ja'a mansusan alayhi fil hadith. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بنت نبي الله عليه الصلاة والسلام وبنت عدو الله أبدا. Et la réponse est que c'est venu d'une manière claire dans un des hadiths que le prophète صلى الله عليه وسلم il a expliqué la cause pourquoi il n'a pas voulu que Ali se marie au-dessus de Fatima avec la fille de Abi Jahl. Et il a dit, car certes ne se rassemble pas la fille d'un prophète d'Allah avec la fille d'un ennemi d'Allah, c'est-à-dire dans le même foyer. فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. Et donc ça rentre dans la globalité des femmes qui sont interdites de marier, c'est-à-dire l'association entre la fille d'un prophète d'Allah et la fille d'un ennemi d'Allah. وبذلك قال بعض أهل العلم كالنووي وغيره. Et c'est l'avis de certaines personnes de science comme An-Nawawi et autres. Et il y a pour cette shubha beaucoup plus de réponses, mais celle-ci est la meilleure d'entre elles. La deuxième shubha, يستدلون بقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فقالوا إن الله أمر المؤمنين عند خوف عدم العدل أن ينكحوا واحدة وأكد أنهم لا يستطيعوا أن يعدلوا فدل ذلك على استحباب الاقتصار على واحدة. Et donc la deuxième choubaha, c'est qu'ils ont pris comme preuve la parole d'Allah qui dit sauf si vous craignez de ne pas être juste, alors là contentez-vous d'une seule, c'est-à-dire d'une seule épouse. Et aussi la parole d'Allah qui dit vous ne pourrez jamais être juste entre vos épouses, même si vous y êtes vigilants. Donc ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants, s'ils avaient peur de ne pas être justes, de se marier, de se contenter d'une seule. Et il a confirmé qu'ils ne pourront être justes. Donc cela montre bien que ce qui est recommandé, c'est de se contenter d'une seule. Donc la réponse à cela est que la justice visée dans le premier ayah est plus globale que la justice visée dans le deuxième. La justice ou l'équité qui est visée dans le deuxième verset, c'est-à-dire وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا, le but visé n'est autre que l'amour du cœur, ainsi que le rapport. Et comme on l'a vu précédemment, ceci n'est pas une obligation sur l'homme. Tandis que le premier verset, le but visé est le partage, c'est-à-dire le partage dans la pension et dans les jours. Le fait d'être juste dans cela. Et dans toute autre chose. La troisième choubha, c'est que بعض الناس قالوا إن الرجل لا يتزوج إذا إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها. يعني la troisième des shubaha, c'est que ils ont dit que l'homme il ne se marie avec la deuxième que si dans la première il y a des défauts ou qu'il la déteste. وهذا أيضا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ومع ذلك فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد بسبع نسوة. Et ceci aussi est une chose réfutée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha et il l'aimait d'un grand amour. Et ensuite, il s'est marié après elle avec cette femme. وَالشُبْهَةُ الرَّابِعَةُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا لِدُخُولِهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ. Et la quatrième des Shubaha, c'est qu'ils disent que il est impératif à l'homme d'être riche pour pouvoir penser à la polygamie. وَيَسْتَدِلُّونَ بِحَدِيثِ إِبْنُ مَسْعُودٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. على القول بأن المراد بالباءة مؤنة النكاح. Il s'appuie sur cette parole. Tout d'abord par le hadith d'Ibn Mas'ud qui dit que celui qui est capable de se marier, qu'il se marie. Et ceci en prenant la définition du mot al-ba'a, c'est-à-dire la capacité, qu'il s'agit d'une capacité financière. وكذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها قالت فلما حللت ذكرت له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خاطباني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له فما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح به لكونه فقير. Et ils prennent aussi comme en guise de preuve à leur parole le hadith de Fatima bint Qais qui dit que lorsque ma période après mon divorce est passée, j'ai évoqué au prophète que Muawiyah et Abu Jahm m'ont demandé en mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet de Muawiyah que c'est un homme pauvre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dirigé vers lui. Fal jawab, donc on répond à cela على الحديث الأول أن المراد بالباءة هنا هو الجماع ومؤنة التزويج من مهر وسكن ونحو ذلك. وقد تقدم كلام شيخ ابن باز في ذلك. Donc on répond d'abord au premier hadith en disant que le but visé par la ba'a, c'est-à-dire la capacité à effectuer le rapport, ainsi que la capacité financière pour se marier, c'est-à-dire pour payer la dot, ainsi que l'appartement ou autre. Et comme on l'a vu dans la parole de Cheikh Ibn Baz, qui dit que celui qui veut se marier pour préserver sa chasteté, Allah il l'aide, même s'il fait une dette ou il emprunte, car certes Allah l'aidera à s'acquitter de ses dettes et de ses emprunts. فَلَا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلْ غَنِيًّا إِذَا وَجَدَ مَا يَتَزَوَّجْ بِهِ حَتَّى بِطَرِيقِ الدَّيْنِ أَوْ الْقَرْضِ. Et donc il n'est pas obligatoire à l'homme d'être riche si jamais il trouve de quoi se marier, même s'il prend une dette ou il fait un emprunt. وَالْجَوَابْ عَلَى الْحَدِيثِ الثَّانِي. Et la réponse au sujet du deuxième hadith, c'est-à-dire le récit de Fatima bint Qais, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su que cet homme-là, c'est-à-dire Muawiyah, il ne pourra pas lui donner ce qu'elle espère comme dot ou comme demeure. وَاللَّهُ أَعْلَمْ ثُمَّ مِنْ بَابِ الْفَائِدَةِ. Et ensuite, on rajoute مِنْ بَابِ الْفَائِدَةِ في هذه القصة بيان أن الله تعالى هو الذي بيده ملك السماوات والأرض. Et dans ce récit il y a une preuve comme quoi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la royauté dans les cieux et dans la terre. فهذا رجل صعلوق وهو معاوية فماذا كانت حاله فيما بعد. Donc cet homme là qui était pauvre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas conseillé à Fatima de marier parce que justement il était pauvre, ce n'est autre que Muawiyah. Et quelle fut sa situation après, c'est-à-dire après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. كان أمير المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها مما يدل على أن الأمر بيد الله فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا. Et donc après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, Muawiyah est devenu l'émir des croyants et il dirigeait la communauté musulmane de son occident à son orient. Et cela prouve que l'affaire est dans les mains d'Allah. Donc combien de gens pauvres sont devenus riches et combien de riches sont devenus pauvres. واعلموا وفقكم الله قد وعد الله المتزوج للعفاف بالغنى. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala il a promis pour celui qui veut se marier pour préserver sa chasteté la richesse. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de ce verset, s'ils sont besogneux, Allah les enrichira de par sa grâce et Allah est certes immense et omniscient. قال ابن عباس رغبهم الله في التزويج ووعدهم عليه الغنى. Et donc Ibn Abbas au sujet de ce verset, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a motivé ses serviteurs dans le mariage et il leur a promis la richesse. وجاء عن أبي بكر الصديق أنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. Et Abu Bakr il a dit obéissez à Allah dans ce qu'il vous a demandé, dans ce qu'il vous a ordonné comme mariage, afin qu'il accomplisse ce qu'il vous a promis comme richesse. وجاء عن ابن مسعود وقيل عن عمر أنه قال التمسوا الغنى في النكاح. Et c'est venu aussi de Ibn Mas'ud ainsi que de Omar lorsqu'ils ont dit cherchez la richesse dans le mariage. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزارة. Et le prophète sallam il a marié cet homme qui ne trouvait rien pour donner en guise de dot à son épouse si ce n'est son nizar. ولم يقدر على خاتم من حديد ومع هذا فتزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. Et il ne trouvait même pas une bague en fer à lui donner. Et avec cela, il l'a quand même marié cette femme et a fait de sa dot le fait qu'il lui apprenne ce qu'il a appris, ce qu'il a lui-même appris de Coran. والمعهود من كرام الله تعالى ولطفه وأن يرزقه ما فيه كفاية له ولها كما قال ابن كثير في تفسيره. Et la promesse d'Allah سبحانه وتعالى, c'est qu'il a promis de par sa douceur et de par sa bonté qui va enrichir, c'est-à-dire celui qui veut se marier, ainsi que son épouse, et qui va leur donner ce qui leur suffira pour lui et pour elle, comme a dit Ibn Kathir dans son tafsir. Et enfin, parmi les shubahat aussi, on peut entendre da'wah anna hadha dhulmun lil mar'ah, le fait que la propagande que ceci, c'est-à-dire la polygamie, est une atteinte à la femme. وهذا القول لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن شايعهم من أهل الزيغ والضلال. فالله حكم عدل وقضاؤه عدل وقوله حق وعدل. فهو أعدل العادلين وأرحم الراحمين ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعباد. Et donc cette parole là, c'est-à-dire le fait de dire que la polygamie est une atteinte à la femme, ne provient que d'une personne mécréante ou des alliés de la mécréance parmi les gens de l'égarement. Car certes, le jugement d'Allah est juste, et son décret est juste, et sa parole est vérité, est juste. Donc c'est le plus juste des justes, et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et certes, Allah ne fait aucun vol ou aucune injustice. Et Allah, certes, ne veut pas l'injustice pour ses serviteurs. Et voici, il y a quelques conseils pour les femmes à ce sujet, provenant de cette enseignante de mérite, Umm Daoud. Le premier conseil, elle dit, فَعَلَى الْمَرْأَةِ الْقَصْدِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْحَذَرِ من المبالغة فيها فإن الغيرة إذا حصل معها عدم القناعة بما قسم الله وعدم الرضا بما قدر الله فأصلها الأذى والمشاكل. Donc elle dit là en premier conseil que la femme doit se restreindre dans sa jalousie et qu'elle prenne garde de ne pas dépasser les limites avec cette jalousie. Car si la jalousie la pousse à ne pas être contente de ce que Allah ou à ne pas être satisfaite de ce qu'Allah lui a accordé, ou de ne pas agréer ce que Allah a décrété, cela l'amènera à du mal et des problèmes. ولكن على المرأة أن توطن نفسها وأن تأخذ رصيدا من القناعة والرضا بما قسم الله لها في جميع أنواع الحياة التي يعيشها. Mais il est impératif à la femme qu'elle se remplisse de satisfaction et d'agrément pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé dans cette vie qu'elle mène. Et le deuxième conseil, على المرأة أن تستعين بالله وتدعوه وذلك كما في حديث أم سلمة وأما الغيرة فأرجو أن الله يذهبها. Et deuxièmement, il est impératif à la femme qu'elle demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle l'invoque. Ceci comme il est venu dans le hadith de Umm Salama, au sujet duquel il est dit Amma al-ghayra, c'est-à-dire au sujet de la jalousie, c'est le prophète qui lui parle, car elle lui disait que elle lui a appris qu'elle ne voulait pas se marier parce qu'elle craignait que sa jalousie la pousse à faire des choses interdites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit au sujet de la jalousie, j'espère qu'Allah la fera partir. Troisième conseil que cette enseignante donne, elle dit وتبتعد وأن تبتعد عن الصديقات السوء التي يقمن بالتحريش ونقل الكلام من هنا وهناك إلى غير ذلك من المكر والكيد والخطط كأنها لا تعلم أن هذا الفعل محرم. Elle dit ensuite, il faut absolument aussi que la femme s'écarte des mauvaises fréquentations, celles qui sont amenées à propager des paroles vaines. Donc elle dit de s'éloigner de ce genre de personnes, et elle dit aussi que ce genre de personnes, on dirait qu'elles ne sont même pas au courant que ce genre de faire, c'est-à-dire le faire de propager des mauvaises paroles qui sèment la perversion entre les gens, ou la colère, ou le fait de... On dirait qu'elle ne sait pas que ceci sont des choses que le prophète sallam a interdit. مزيداً على ذلك يدخل فيما ذكرت يعني قول بعض المدرسات لبعض تلاميذاتهن. Et rentre dans ce que vient d'évoquer Umm Daoud, la parole de certaines enseignantes à leurs élèves lorsqu'elles disent أَنَا لَنْ أَصْبِرْ عَلَى زَوْجِي إِذَا تَزَوَّجَ فَوْقِي. Lorsqu'elles disent moi, je ne pourrais pas supporter que mon mari se marie avec une autre au-dessus de moi. فَنَقُولُ لَهُنْ مَنْ أَنْتُنْ أَمَمْ عَائِجَ وَسَائِلِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. Et on leur dit, on répond à ce genre de femmes, ce genre d'enseignantes qui proposent ce genre de paroles à leurs élèves. Qui êtes-vous en face de عَائِجَ ou les autres femmes, يعني, les autres mères des croyantes. وَأَيْنَ أَنْتُنْ مِنْ قَنَاعَتِهِنْ. Et يعني, où êtes-vous? Où vous situez-vous devant leur agrément de ce qu'Allah leur a accordé? واستسلامهن لأمر الله. Et leur soumission devant le commandement d'Allah. وجزاها الله خيرا المدرسة التي تصدع بالحق وتحث على الخير وإن كان في ذلك ثقل. Donc, et qu'Allah récompense l'enseignante qui parle d'une parole véridique et qui motive à faire le bien, même si dans cela il y a un petit fardeau. Parmi les conseils qu'elle donne aussi, qu'elle se rappelle, تذكر عظام حق زوجها, qu'elle se rappelle la grandeur du droit de son mari. حتى وإن تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإنها مسؤولة أمام الله عن حقوقه وحقه عظيم. Et qu'elle se rappelle, parmi les conseils donc que cette enseignante donne aux sœurs, elle dit qu'elle se rappelle de la grandeur du droit de son mari, et que même s'il s'est marié avec une deuxième ou une troisième ou une quatrième, elle sera responsable devant son seigneur en fonction de comment elle accordait le droit de son mari. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Et le prophète sallam il a dit, s'il m'était permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Et sixièmement, enfin, yani parmi les conseils qu'elle donne, le fait qu'elle se rappelle que les ni'am, que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle sont grandes et sont indénombrables, et que parmi ces ni'ma, نعمة الإسلام الذي جاء بحسن التشريعات وكمال الحقوق. Parmi ces bienfaits qu'Allah lui a accordé, le bienfait de l'islam qui est venu avec le plus parfait des droits. Et elle dit ensuite qu'elle remercie et qu'elle loue Allah en fonction de ce qu'il lui a donné comme droit, et aussi على ما شرع من تشريعات السامية, et aussi en vue de ce qu'il a légiféré comme législation élevée, et qu'elle prenne garde que Shaitan ne joue pas avec elle, et que de par la suite elle réfute une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même légiféré. فكوني على بصيرة واعملي بدين الإسلام كله عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا واجعلي كل ذلك قربة لربك لا عادة سلفت واحتسبي أجرك على الله. يعني soit sur une clairvoyance et œuvre avec la religion de l'islam de tout point de vue, dans la croyance, dans l'adoration, dans les règles, dans le comportement, et fais de cela une chose qui te rapproche de ton Seigneur, pas une simple coutume. Et enfin, on va terminer sur quelques conseils pour les hommes. Le premier conseil, عليك بالنية الحسنة لا تكون نيتك مجرد قضاء شهوة. يعني le premier des conseils qu'on peut donner aux hommes, c'est d'avoir une excellente intention dans le fait de se remarier, et que cela ne soit pas une simple envie. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. Et médite sur la parole du prophète alayhi salatu wasalam qui dit, certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions, et toute personne sera rétribuée en fonction de ses intentions. Et le deuxième conseil qu'on peut donner, عليك أن تختار امرأة عرفت بالصلاح وإن أمكن بالعلم لا تكون نظرتك قاصرة على الجمال فإن الجمال سرعة ما تزول لا سيما عند المرأة. Et donc, le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est que il est impératif pour l'homme qu'il choisisse, qu'il veuille à choisir une femme connue pour sa piété, et si possible, connue pour sa science, et que son regard ne soit pas porté simplement sur la beauté, car la beauté est une chose qui part très rapidement, surtout chez la femme. Le troisième conseil qu'on peut donner, لا تنقص الأولى بعد أن تزوجت فوقها. Le fait de ne pas mépriser la première après s'être marié sur elle. فإن لها فضيلة ليست عند الثانية. Car certes, elle a un bienfait qui n'est pas chez la deuxième. وقد قدر الله كونا وشرعا حصول العفاف لك بهذه. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu vas pouvoir te préserver ou préserver ta chasteté de par elle. ومهما رأت الثانية من حسن خلق زوجها وحلمه فلعله ثمرة من صبر الأولى وحسن معاملتها معه. Donc, et peu importe ce que peut voir la deuxième comme bon comportement du mari et comme douceur, car il se peut que ceci ne soit qu'un fruit de la patience de la première et de son bon comportement envers lui. Quatrièmement, لا يحتقر الثانية على الأولى فإنه لم يتزوج بالثانية إلا لفائدة لم تكن لديه بالاقتصار على الأولى من تكثير الأولاد وغيره. Et donc, et qu'il ne méprise pas aussi sa deuxième épouse, car certes il ne s'est pas marié avec elle sans qu'il y ait une faïda qu'il n'avait pas, yani lorsqu'il était juste avec la première. Comme exemple, yani le fait que cela multiplie ses enfants. Le cinquième conseil qu'on peut donner, أن يحاول أن يعاشرهن معاشرة طيبة جميلة كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وكما كان حال أفضل الخلق مع نسائه صلى الله عليه وسلم. Et cinquième conseil, qu'il essaye de faire vivre à ses épouses une bonne vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, vivez avec elle d'une bonne cohabitation. Et comme c'était le cas de la meilleure des créatures avec ses épouses, c'est-à-dire le prophète عليه الصلاة والسلام. فعليه أن يعلمهن ويواعظهن ويحث على الأعمال الصالحة والصبر وأن يصبرهن ويضحكهن. Donc il est impératif qu'il leur enseigne et qui les sermonne et qui les motive à faire de bonnes œuvres et à la patience et aussi qu'il les fasse rire. وأن يصبر على عواج خلقهن لأنه أصل فيهن. Et qu'il patiente, c'est-à-dire le mari, qu'il patiente sur leur côté tordu, car ceci est la base chez elles. Et le sixième des conseils, أن يلازم اتباع السنة ويجتنب المعاصي والشرك والبدع وما دون ذلك من عدم العدل بينهن وغير ذلك فإن هذا لا يؤثر على معاشرته معهن. Et enfin, dernièrement, on conseille à l'homme de suivre la sunna et de s'éloigner des péchés comme le shirk ou l'innovation ou autre encore comme le manque d'équité entre les épouses et autres parmi les péchés. Car ceci affectera forcément sa vie conjugale. وبها ننتهي والحمد لله رب العالمين.